السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاليوم هو 29 من شهر ذي الحجة، من شهر ذي القعدة، ولا نزال في دراسة كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الدرس 16. Aujourd'hui, nous allons, incha'Allah, entrer dans le 16e cours, toujours dans l'étude de ce livre, les qualités sublimes du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et nous sommes le 5 octobre 2013. La semaine dernière, nous nous sommes arrêtés toujours dans ce même chapitre, Bab, ma ja'a fi idami rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam, le chapitre concernant ce qu'on appelle l'idam. Et on a vu que l'idam, c'est ce qui accompagne le pain quand on mange. كل ما يؤكل مع الخبز يسمى إداما. Ce qui se mange et ce qui accompagne le pain pendant qu'on mange s'appelle en arabe idam ou bien udm. Les deux noms veulent dire la même chose. On a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parfois mangeait le pain avec le vinaigre. Il a d'ailleurs dit ni'mal idamul khal alayhi salatu wa sallam. Quel magnifique accompagnement pour le pain qu'est le vinaigre. Et on a vu pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça. C'est que quand il est entré chez lui et qu'il a demandé à sa famille qu'est-ce qu'il y a à manger, il n'y avait que du vinaigre. Alors sa famille, les gens de sa famille lui ont dit, on n'a que du vinaigre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour les consoler et pour dissiper de toute forme de soucis du fait qu'ils n'ont rien à manger chez eux, leur a dit ni'mal idam al-khal. Quel merveilleux accompagnement pour le pain qu'est le vinaigre. L'idam n'est pas seulement quelque chose de liquide, comme on pourrait le croire, comme le maraq, la sauce qui accompagne le pain. L'idam, c'est tout ce qui accompagne le pain. Ça peut être du vinaigre, ça peut être de l'huile, ça peut être une sauce, ça peut être de la viande, ça peut être ce qui se mange. Et la semaine dernière, nous nous sommes arrêtés au hadith dans lequel un tabi'i était avec Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu. Kana 'inda Abi Musa al-Ash'ari fa'utiya bi lahmi dajjaj. Il était avec lui quand on a amené à eux de la viande de poulet. Fatanahha rajulun min al-qawm. Un des gens de la communauté présente s'est écarté. Il s'est écarté de ce repas qui était la viande de poulet. فَقَالَ مَالَكَ. On lui a dit, qu'est-ce qui t'a poussé à agir ainsi? Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu t'écartes? Pourquoi tu ne veux pas manger avec nous ce poulet? فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُهَا تَأْكُلُ شَيْئًا وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يُبَيِّنْ مَا هُوَ شَيْحًا تَلَا يَسْتَقْذِرَ مِنْهُ النَّاسِ. Il dit, je l'ai vu manger quelque chose. Il n'a pas dit quelle est cette chose qui a été mangée par ce poulet lorsqu'il était vivant. Soit on parle de ce poulet, ou soit il parle du poulet de manière générale. Le poulet mange une chose. Pourquoi il n'a pas cité quelle est cette chose mangée? Pour ne pas que les gens soient écœurés. Donc ici on voit que c'est une chose mauvaise qui a été mangée. Il dit فَحَلِفْتُ أَلَّا أَكُلَهَا. Et depuis ce jour j'ai juré de ne plus en manger. Il a juré de ne plus manger de la viande de poulet. Le fait qu'il cite qu'il est juré, c'est pour que, après cela, on ne le contraint pas à en manger. قَالَ حَلَفْتُ أَنْ لَا أَكُلَ حَتَّى لَا يُحْرِجَهُ أَحَدٌ بَعْدَهُ لَنَّهُ حَلَفْ. Car il a juré. Mais le sahabi lui a dit, Abu Musa radiyallahu anhu, قَالَ اُدْنُو أي اُقْرُب. Rapproche-toi. C'est-à-dire, rapproche-toi et viens manger avec nous. Pourquoi? قال فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم الدجاج. Rapproche-toi, viens manger avec nous, car j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam manger la viande de poulet. Et ici on voit une base chez le musulman, une règle, qui est que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, on ne peut se l'interdire. Et on ne peut dire je ne mange pas le poulet car celui-ci mange des aliments écœurants, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été envoyé comme miséricorde pour les mondes et qui a enseigné le bien à l'ensemble des gens, l'a mangé. Si dans ce poulet il y avait un mal pour l'homme, il aura reçu l'interdiction de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ce que le prophète a fait alayhi salatu wa salam, on ne doit pas se l'interdire. Et on ne doit pas s'interdire de manière générale ce qu'Allah nous a tout simplement rendu licite. Le hadith suivant est le hadith de, donc le hadith qui est authentique, ou bien on va lire la deuxième version de ce hadith-là, mais dans la traduction vous allez le voir plus loin, mais nous, comme l'auteur en arabe l'a cité tout de suite ici, on va la lire. Vous la trouvez un peu plus loin, deux ou trois hadiths après, en français. وفي رواية عنه قال كنا عند أبي موسى الأشعري قال فقدم طعامه وقدم في طعامه لحم دجاج. Nous étions avec Abu Musa al-Ash'ari quand on lui a apporté son repas et on lui a apporté une viande de poulet. وفي القوم رجل من بني تيم من بني تيم الله. Et il y avait dans le peuple un homme qui faisait partie d'une tribu qui est تيم الله. Ahmar ka'annahu mawla. Cet homme était de peau rougeâtre, comme si qu'il était un esclave libéré. Qala falam yadnu. Il ne s'est pas rapproché. Cet homme-là ne s'est pas rapproché. Faqala lahu Abu Musa. Abu Musa lui a donc dit: Udnu, rapproche-toi. Fa inni ra'aytu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam akala min. Car j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam manger de cette viande, donc tu n'es pas meilleur que lui. Faqal, cet homme a dit: Inni ra'aytuhu ya'kulu shay'an faqadirtu. Je l'ai vu manger une chose qui m'a écœuré. Fahaliftu alla at'amahu ay akulahu abada. J'ai donc juré après ça de ne plus en manger. Et donc cette version du hadith est proche de celle qui la précède. Le hadith suivant, celui qui est authentique, jugé par l'imam al-Albani rahimahullah bien sûr, an Abi Asid qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: kulu az-zayt wad-dahinu bih fa innahu min shajaratin mubarakah. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donne un ordre à ses compagnons, et cet ordre là n'est pas une obligation mais c'est une chose recommandée, car des fois dans les hadiths, tout comme dans les versets, on voit de la part d'Allah Azza wa Jal ou du prophète sallallahu alayhi wa sallam des ordres qui nous sont donnés. Parfois ces ordres indiquent l'obligation et d'autres fois ils impliquent autre chose, et parmi ces choses qu'ils impliquent, la recommandation, c'est-à-dire que celui qui le fait en sera récompensé et celui qui ne le fait pas ne sera pas dans le péché, et c'est ce qui est voulu par cet ordre ici. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Koulou zayt, mangez l'huile. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Quand il dit mangez l'huile, nous savons tous que l'huile est un liquide et ne se mange pas. Mais si vous regardez le nom de ce chapitre, Babu Madia Afi Idam et Rasulillah, chapitre concernant l'accompagnement du pain du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et vous faites la liaison avec cet ordre ici, manger l'huile, qu'est-ce que vous comprenez? Manger le pain en le trempant dans l'huile. Voilà ce qui est voulu par cela. Donc, nous voyons que c'est une bonne chose que de manger le pain qui est trempé dans l'huile, particulièrement l'huile d'olive, qui est un arbre béni par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous parle de cet arbre dans le Coran et nous dit qu'il est un arbre béni. Yuqadu min shajaratin mubarakatin zaytuna la sharqiyatin wa la gharbiyya. Dans sourate An-Nur, Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne que il y a un arbre qui est béni et que celui-ci est l'arbre de l'olivier. Aussi Allah azza wa jal a même juré par cet arbre Il nous dit wat-tin wa az-zaytun, par le figuier et l'olivier. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous donner une information, jure d'abord sur quelque chose, cette chose par laquelle il a juré a une grande importance chez Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète nous dit de manger le pain avec l'huile, particulièrement l'huile d'olive. Il nous dit « وَدَّهِنُوا بِهِ » C'est-à-dire qu'on doit également s'en servir pour le passer sur le corps, comme de la pommade. Et cela a un grand bien. Il y a un grand bien à travers cela quand la personne utilise l'huile et la fait passer sur la peau de son corps. La raison pour laquelle il nous donne cet ordre, il nous dit فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ, car il fait partie d'un arbre béni. Quand on veut dire que une chose est bénie et qu'on emploie le mot baraka à la base veut dire al-thubut, c'est-à-dire la fermeté de la chose ou bien sa stabilité, le fait que la chose est constamment présente et ne disparaît pas. C'est ce qui est voulu par le mot baraka dans la langue arabe. C'est pourquoi un point où on retient de l'eau en arabe s'appelle birka. On lui donne ce nom à cet endroit de retenue d'eau, car l'eau y reste constamment et ne disparaît pas. Ce qui est voulu par le mot baraka, qui est la baraka d'Allah, qu'il donne à ses serviteurs, subhanahu wa ta'ala, thubutul khayr al-ilahi fi shay. C'est qu'Allah azza wa jal mette constamment le bien dans une chose et que cette chose reçoive le bien divin de manière constante. Donc, quand Allah tabaraka wa ta'ala fait qu'une chose soit bénie, cette chose a des utilités pour les gens de manière constante, et notamment ici l'arbre qui est l'olivier. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, dans son livre Zad al-Ma'ad, il y a beaucoup dans ce livre d'informations qui concernent tous les chapitres que nous sommes en train de lire. C'est pourquoi le Cheikh Abdurrazzaq al-Abbad hafidhahullah, qui a expliqué ce livre, cite souvent des paroles de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dans certains des passages. Ici, il avait cité une parole de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dans laquelle il nous dit qu'il y a un grand bien à passer l'huile d'olive sur le corps de la personne. Le hadith suivant est un hadith identique qui est rapporté par Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, qui nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et il nous cite exactement le même hadith que l'on vient de citer. Donc celui-ci est clair. Plus loin, le hadith suivant, عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء فأتي بطعام أو دعي له فجعلت أتتبعه فأضع بين يديه لما أعلم أنه يحبه. أنس ابن مالك رضي الله عنه et remarquez encore, toujours le même, qui nous donne ces informations concernant les choses que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam chez lui. Pourquoi? Car il était son servant pendant 10 ans, donc il a pu retenir de lui et apprendre beaucoup de choses. Il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait beaucoup la courge. Al-dubba ou bien al-qara, c'est ce qu'on appelle la courge. Et la courge, c'est un légume qui ressemble à la citrouille. Il y a une famille de légumes qui sont à peu près pareils. Parmi ceux-ci, les courgettes, la courge, la citrouille et d'autres encore. Et la courge, c'est une forme de citrouille. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aimait particulièrement cet aliment. Et Anas ibn Malik radiyallahu anhu nous dit, on a apporté un repas au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien, il a été invité à un repas. Il dit, فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ, je me suis mis à chercher les morceaux de citrouille ou les morceaux de courge. Pourquoi? pour les mettre devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il les mange, car il savait que le prophète aimait cet aliment. Il dit فَأَضَعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ, et je le posais devant lui, لِمَا أَعْلَمُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ, car je savais qu'il aimait cet aliment. Et ce hadith a été cité par l'imam al-Tirmidhi rahimahullah ta'ala dans ce chapitre pour nous enseigner que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mangeait avec le pain la courge. Il mangeait cet aliment avec le pain sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith suivant, عن حكيم بن جابر عن أبيه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دباء يقطع فقلت ما هذا قال نكثر به طعامنا. Donc ici un compagnon nous rapporte qu'il est entré chez le prophète صلى الله عليه وسلم, quand il l'a vu, ou quand il a vu auprès de lui une courge, cet aliment qui est la courge, qui était en train d'être découpée en plusieurs morceaux. Cet homme a dit « Mahada, qu'est-ce que c'est ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre « Nukaffiru bihi ta'amana » C'est un aliment avec lequel on augmente la quantité de notre repas. Donc dans les repas qu'il mangeait sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des morceaux de courge que le prophète aimait alayhi salatu wa salam. Et ensuite il y a une riwaya ou un autre le hadith qui est cité juste avant, dans lequel Anas nous cherchait les morceaux de courge dans l'assiette. Il y a un autre tariq, c'est-à-dire que le même hadith est rapporté avec une autre chaîne de transmission, dans lequel il nous dit إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. Un tailleur, un couturier, a invité le prophète صلى الله عليه وسلم à un plat qu'il a lui-même cuisiné. قال أنس, Anas a dit فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام. J'ai été avec le prophète صلى الله عليه وسلم répondre à cette invitation, à ce repas. Donc on voit que Anas était souvent avec le prophète alayhi salatu wa salam. Il dit faqarraba ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam khubzan min sha'ir. Il a avancé au prophète alayhi salatu wa salam et rapproché de lui du pain d'orge. Et le pain d'orge, c'est ce qui correspond à peu près actuellement au pain rond qu'on trouve dans les boulangeries, parfois dans les boucheries, le pain rond qui est connu de tous. Wa maraqan, avec une sauce fihi dubba wa qadid, dans laquelle il y avait de la courge et ce qu'on appelle en arabe al qadid. Wal qadid huwa al lahm al mumallah al mujaffaf fi shams. Ce qu'on appelle al qadid, c'est la viande séchée, c'est la viande à laquelle on a ajouté du sel puis qu'on a exposé au soleil pour qu'elle sèche afin qu'elle soit conservée longtemps. Et les gens d'avant faisaient cette chose car ils n'avaient pas la possibilité de garder leur nourriture au frais. C'est pourquoi aujourd'hui il y a moins, même si ça se fait encore, cette viande qui est séchée au balcon avec du sel exposé au soleil, il y en a encore mais ça se fait moins car maintenant il y a les congélateurs et les frigidaires. Walillahil hamd. قال Anas فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء. Anas a dit, j'ai vu le prophète صلى الله عليه وسلم chercher la courge حوالي القصعة, autour de القصعة. Il dit وكان يحب الدباء, et le prophète صلى الله عليه وسلم aimait الدباء, la courge. فلم أزل أحب الدباء من يوم إذ. À partir de ce jour, je n'ai cessé d'aimer la courge. Et il y a beaucoup de choses à retenir de ce passage. Premièrement, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recherché dans ce plat la courge. L'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala a dit qu'il y a deux éventualités. La première, c'est qu'il a cherché les morceaux de courge devant lui dans le plat, dans l'assiette. Pourquoi ? Car lui-même a enseigné aux jeunes garçons de manger en prononçant le nom d'Allah, Azza wa Jal, en mangeant avec la main droite et enfin en mangeant ce qui est devant lui. Et il a enseigné aux musulmans le comportement que l'on a lorsque l'on mange accompagné de gens. Que l'on doit manger le repas qui est devant et ne pas aller chercher le repas plus loin ou dans les autres côtés de l'assiette. Donc, la première éventualité, c'est de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recherché les morceaux de courge devant lui dans l'assiette, non pas tout autour de l'assiette. Le deuxième avis, ou la deuxième éventualité plutôt, c'est de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tout simplement cherché les morceaux de courge dans toute l'assiette. Et le Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, a dit que dans l'interdiction que nous a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam de manger, ou dans l'ordre que nous a donné de manger devant nous, si dans l'assiette il y a plusieurs types d'aliments et que ces aliments donc sont différents, alors il est permis à la personne d'aller chercher un aliment même si celui-ci n'est pas devant elle, car la personne qui l'a invité ne l'a invité que pour qu'elle mange ce plat. Et Al-Sheikh Abdelrazak Al-Abbad Hafidhahullah dit que non, c'est plus la deuxième éventualité, à savoir que le prophète a cherché la citrouille dans l'ensemble du plat, car en fait dans ce plat il n'y avait que lui et Anas ibn Malik qui étaient son servant. Donc il n'y avait pas en cela un mauvais comportement. La deuxième chose, c'est le mot qas'a. Le mot qas'a, c'est un plat. Et dans la langue arabe, il y a des noms pour chaque plat en fonction de leur taille. L'imam Al-Thalibi rahimahullah a dit Asma'ul awani bin nisbati li hajmiha. Les noms des plats par rapport à leur taille. Asma'ul awani bin nisbati li hajmiha. Premièrement, on a al-fayqa. Al-fayqa. Qui a aussi pour synonyme ce qu'on a vu dans un des hadiths la semaine dernière, as-sukur rudya. Al-fayqatu wa as-sukur rudya wa as-sukur rudyatu. بتشديد الراء الفيخة هو الإناء الصغير الفيخة c'est le ou bien السكر رجع qu'on a vu la semaine dernière, c'est une toute petite assiette sur laquelle on pose المقبلات المشاهيات les apéritifs ou bien les entrées. C'est le premier nom que l'on donne à ce plat. Deuxièmement, السحيفة بالتصغير الصحيفة تشبع الرجل الصحيفة c'est un plat d'une taille suffisante pour rassasier une personne. الصحيفة. Deuxièmement, المئكلة تشبع الرجلين أو الثلاثة. المئكلة c'est le nom que l'on donne à un plat qui est de taille suffisante pour rassasier deux ou trois personnes. Enfin, on a as-sahfa tushbi'u al-arba'a aw al-khamsa. As-sahfa qui est un plat de taille suffisante à rassasier quatre ou cinq personnes. Et enfin, et plus loin, on a al-qas'a lis-sab'a ila al-ashara. Al-qas'a, c'est le nom que l'on donne à un plat suffisant pour rassasier de 7 à 10 personnes. Regardez la langue arabe, comment elle est riche. Et enfin, on a al-jafna wa hiya akbaruha. Al-jafna, c'est le plus grand plat. Cela a été cité par l'imam Abdurrahman al-Tha'alibi dans son livre Fiqh al-Lugha. Pourquoi ici on apprend tous ces noms? Car on va les retrouver dans beaucoup de hadiths. Et c'est une bonne chose à savoir. Quand tu lis le mot qas'a, tu sais qu'on parle d'une grande assiette. Tu sais qu'on parle d'une grande assiette. Donc, troisièmement, ce qu'on va tirer ici, وَكَانَ يُحِبُّ الدُّبَّ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait la courge. Anas nous dit, فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّ أَمِنْ يَوْمِ إِذْ. Je n'ai cessé d'aimer la courge à partir de ce jour. Et les savants ont tiré une chose d'ici. Comme a cité le Cheikh Suleyman al-Ruhayli, hafidhahullah ta'ala, l'enseignant dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant la période du Hajj et à l'université islamique de Médine. Il dit qu'il y a des choses qu'à la base on n'aime pas et qu'on peut aimer par simple fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a aimées. Pour cet amour, on sera récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. Des choses qu'à la base nous n'aimons pas. Mais quand on entend que le prophète alayhi salam les aime, notre amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam est tellement fort qu'on se met à aimer ces choses-là. Et ne croyez pas qu'Anas ibn Malik s'est forcé à aimer. Mais vraiment, il a aimé la courge après avoir entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a lui-même aimé. Hadith suivant est rapporté par Aisha radiallahu anha. عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. Le prophète صلى الله عليه وسلم aimait les sucreries et le miel. Et si encore une fois on regarde cette information et on regarde le titre du chapitre, qu'est-ce qu'on comprend? Qu'est-ce qu'on comprend? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mangeait l'asal, kana ya'kul l'asal ma'a l'khubz, avec le pain. Et c'est une chose connue. Certains, au matin, quand ils prennent le petit déjeuner, prennent un pain qu'ils ont fait eux-mêmes et le trempent dans le pain et parfois même avec l'huile. Et cela est en concordance avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il nous a dit kulu zayt, mangez l'huile, et ici, on nous informe qu'il aimait le miel. Donc c'est une bonne chose de tremper le pain dans l'huile et dans le miel. Le hadith suivant عن عطاء ابن يسار أن أم سلمة أخبرته. عطاء ابن يسار nous rapporte qu'il a reçu une information de أم سلمة lui disant أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا أي قطعة من اللحم فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. Le hadith suivant donc, cette information qui est rapportée par Umm Salama à Ata ibn Yasab radiyallahu anhuma, que on a apporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam un morceau rôti, ce qu'on appelle meshoui. Et ce mot-là, il est connu même en français. À la base, le mot meshoui, c'est un mot arabe. Et sachez qu'il y a beaucoup de mots utilisés en français qui sont en vérité des mots arabes, comme al-qarn, qui veut dire la corne. Donc le mot corne vient de al-qarn en arabe. Ou bien la cave, qui est venue du mot al-kahf. Et d'autres mots encore. Ala kulli hal, on a apporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam un morceau de viande rôti. Et ici, le traducteur dit que c'est de la poitrine. Or, Al-Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala nous dit qit'a min al-lahm. C'est un morceau de viande. Donc nous allons nous contenter de citer ce qu'a cité l'imam Al-Albani rahimahullah en explication à ce terme. On a apporté au prophète alayhi salatu wassalam un morceau cuit de viande rôti. Il l'a mangé, puis s'est levé et a été accomplir la prière alayhi salatu wassalam sans accomplir ses ablutions. Premièrement, on voit que le prophète alayhi salatu wassalam mangeait avec le pain de la viande rôti. Et c'est pourquoi ce hadith est cité dans ce chapitre. Deuxièmement, l'information de la fin dans laquelle on nous dit que le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas accompli ses ablutions, car avant il accomplissait ses ablutions sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qui a été légiféré à la fin, c'est de ne pas accomplir ses ablutions après avoir mangé de la viande rôti. Wallahu a'lam. Hadith suivant, an Abdillah ibn al-Harith قال أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد والشواء هو اللحم المشوي. Donc Abdullah ibn al-Harith رضي الله عنه nous dit que dans la mosquée ils ont mangé avec le prophète صلى الله عليه وسلم de la viande rôtie. Première information qui concerne le chapitre, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mangeait de la viande rôtie avec le pain. Deuxième information que l'on peut tirer de ce chapitre, la permission de manger à la mosquée. Et malheureusement, dans beaucoup de mosquées, certains font sèment ou provoquent ou déclenchent des disputes, des mésententes pour le simple fait qu'une personne parmi les musulmans a mangé dans la mosquée, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lui-même mangé dans la mosquée avec ses compagnons, à condition bien sûr de prendre soin du tapis ou du sol de la mosquée, de sa propreté. Wallahu a'lam. Le hadith suivant, عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال ضفت مع رسول الله أي كنت ضيفا معه صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأتي بجنب مشوي أي قطعة من اللحم مشوية ثم أخذ الشفرة أي السكين فجعل يحز أي يقطع فحز لي بها منه أي قطع لي بهذه السكين من هذا اللحم المشوي قال فجاء بلال يؤذنه بالصلاة أي يخبره أنه حان وقت الصلاة فألقى الشفرة أي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما له تربت يداه وذلك لأن وقت العشاء واسع ما له تربت يداه قال وكان شاربه قد وفى فقال له أقصه لك على سواك أو قصه على سواك. Ce hadith qui est rapporté par المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. Dans celui-ci, il nous dit qu'il a été invité avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je fus invité une nuit en compagnie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On présenta un morceau de viande rôtie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a saisi un couteau. Bon, ici la traduction c'est un couperet. À la kulli hal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a saisi un couteau pour trancher de cette viande, de laquelle il m'a coupé un morceau. Alayhi salatu wassalam. Premièrement, on voit ici le comportement du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Adabuhu wa akhlaquhu al-jamila ma'a ashabi. Haythu anna al-lahm quddima lahu faqata'ahu huwa li ashabi. Alayhi salatu wassalam. Le prophète sallallahu alayhi wassalam a reçu cette viande rôtie qu'il a lui-même tranchée et découpée en morceaux pour ses compagnons. Et on a vu dans un hadith précédent, pas très loin, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu un régime de dattes, une grappe de dattes qu'on appelle qinwun min tamr. Et qu'est-ce qu'il a fait? Arsala Anasan radiyallahu an bimiktal ila kul wahid min ashabih radiyallahu alayhi wa sallam hatta akala al-jami' thumma akala huwa. On a vu qu'il a pris une part égale pour chacun de ses compagnons qu'il a donné à Anas pour lui demander de le distribuer à chacun, alors que lui-même avait faim, alayhi salatu wassalam. Et Anas faisait des va-et-vient entre le prophète, alayhi salatu wassalam, et les compagnons pour distribuer ses parts de dattes, jusqu'à ce que tous les compagnons aient mangé. Il a alors lui-même mangé, alayhi salatu wassalam, et il s'était assis d'une assise qui montre qu'il était affamé, sallallahu alayhi wa sallam. Ici, c'est une chose semblable il a coupé la viande et l'a donné à son compagnon qui est Al-Mughira ibn Shu'bah. Quand est venu Bilal pour lui annoncer que l'heure de la prière, c'était la prière du Isha, est arrivée. Et vous savez que la prière du Isha peut être reculée. Elle peut être reculée, pour certains savants, jusqu'au milieu de la nuit. Un jour, le prophète, alayhi salatu wassalam, était attendu pour la prière du Isha par les compagnons dans la mosquée. À un point où l'un d'entre eux voyait sa tête tomber, car il était pris par la somnolence, de sorte que son menton touche sa poitrine. Et le prophète a tardé à venir, jusqu'à ce qu'il est arrivé et a dit, n'eût-ce été la peur que j'ai de vous imposer une gêne, j'aurais fait de ce temps le temps de la prière du Isha. Donc, il est de la sunna de reculer la prière du Isha. Et Bilal est venu pour lui dire, l'heure du Isha est arrivée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lâché son couteau, alayhi salatu wa sallam, qu'il a même jeté, et il a dit, ma lahu, qu'est-ce qu'il a? C'est-à-dire, qu'est-ce que Bilal a à venir nous dire tout de suite que l'heure du Isha est arrivée? Puis il a donné cette expression qui est taribat yada, que ses mains soient pleines de poussière. Et on peut croire ici que le prophète alayhi salatu wa sallam a invoqué Allah contre Bilal en disant, oh Allah, fais que ses mains soient pleines de poussière. Et c'est une mauvaise compréhension, car les Arabes d'autrefois employaient ces termes, ils employaient certaines phrases comme celle-ci, taribat yadak, que tes mains soient pleines de poussière, ou bien thakilat ka ummuk, que ta mère te perde, et bien d'autres choses encore. En fait, il ne voulait par ces phrases-là que attirer l'attention de celui qui écoute. C'est tout. Il ne voulait en aucun cas le sens de ces phrases-là. Donc ce n'est pas une chose qui est blâmable. Ce n'est pas une chose qui est blâmable. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a prononcé cette parole. Et la moustache, puis on a une autre information ici, qui est que la moustache de Al-Mughira, la moustache de Al-Mughira, radiyallahu anhu, était assez longue. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, qussu sharib. Il a dit, dans un autre hadith, taillez vos moustaches. Et les savants ont déterminé le taillage de la moustache comme étant le fait de la décoller des lèvres. De la décoller des lèvres et non pas de la raser complètement. Quant à la barbe, sallallahu alayhi wa sallam, il a donné l'ordre aux musulmans, qui est un ordre obligatoire, de la laisser pousser. Voici la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la guidée des prophètes avant lui et qui est une obligation religieuse, et cela chez les quatre imams. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, aqussuhu laka ala siwak, ay ad'u siwakan fi shafatika العليا ثم أقطع ما يجاوزه من الشعر. Veux-tu que je le coupe avec un siwak, en interposant un siwak, c'est-à-dire que, car avant ils faisaient ça, quand les poils de leur moustache poussaient, ils prenaient le siwak. Et le siwak, c'est ce que vous voyez là. Ils prenaient donc le bâton que l'on passe sur les dents. Ils prenaient le siwak et le posaient sur la lèvre supérieure. Et les poils qui dépassaient, il les coupait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, veux-tu que je les coupe en interposant un siwak? Ou bien, il lui a dit plutôt, coupe-les en interposant un siwak. Le hadith suivant est rapporté par Abu Hurayra radiyallahu anhu. Qala, أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهش منها أي أكله صلى الله عليه وسلم بدون أن يقطعه مباشرة أخذ من العظم عليه الصلاة والسلام. On a apporté au prophète صلى الله عليه وسلم une épaule. الذراع c'est l'épaule. Et c'est une partie de la viande qu'aimait le prophète عليه الصلاة والسلام وكانت تعجبه et le prophète sallallahu alayhi wa sallam appréciait cette partie de la viande qui était l'épaule qu'il mordit en mettant dans sa bouche sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète alayhi salatu wassalam a pris cette épaule et l'a directement mise dans sa bouche et a commencé à la manger en la mordillant sans l'enlever avec ses mains ou bien la couper avec un couteau alayhi salatu wassalam. Donc le hadith, on passe plutôt pardon au hadith suivant. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع قال وسم في الذراع أي أهدي له ذراعا مسموما وكان يرى أن اليهود سموه. Nous allons lire et voir l'histoire de ce hadith. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam appréciait l'épaule. Il aimait beaucoup l'épaule. Il aimait l'épaule car la viande qui s'y trouvait était une viande qui était facile à manger après la cuisson, particulièrement. Donc le prophète aimait l'épaule. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit, c'est dans l'épaule qu'on met du poison à son intention. Et Abdullah ibn Mas'ud considérait que les juifs étaient ceux qui avaient mis ce poison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été empoisonné pendant la bataille de Khaybar. Khaybar qui est le nom d'une expédition militaire dans laquelle se trouvait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les compagnons. Et les Khaybar c'est une tribu de juifs qui ont été attaqués par les sahaba avec le prophète sallallahu alayhi wasallam. Et donc, ce jour-là, ou pendant cette bataille, ou cette expédition-là, l'imam Al-Qayyim rahimahullah raconte l'histoire qui s'est déroulée. Et celle-ci est que, on a demandé à une femme qui s'appelle Zainab bint Al-Harith, qui est après devenue une musulmane et qui était avant une femme juive, on a demandé à cette femme qui savait cuisiner de mettre du poison dans une viande rôtie que l'on allait servir au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cela sous l'ordre des juifs. Et les juifs, il est connu de ce peuple qu'ils assassinent les prophètes. Une des raisons pour lesquelles ils ont reçu la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette femme a été interrogée des gens sur la partie préférée du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la viande. Quand elle a su que le prophète alayhi salatu wa sallam appréciait particulièrement l'épaule, elle a cuisiné de la viande dans laquelle elle a mis du poison et elle a rajouté une dose de poison dans l'épaule. Elle est donc allée servir cette viande au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais Allah a dit dans le Coran, Wallahu ya'simuka minan nas, et Allah va te préserver du mal des gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris à sa main cette épaule et a commencé à en manger. Et quand il a mis de l'épaule dans sa bouche, l'épaule a parlé. Allah azza wa jalla a donné la parole à l'épaule et lui a dit « Inni masmoum, je suis empoisonné ». Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a immédiatement recraché le morceau de viande qu'il a mis à sa bouche. Et le compagnon qui était en sa présence et avec lui, qui est Bishr ibn al-Bara, radiyallahu anhu, a mangé de cette viande et il est mort, radiyallahu anhu. Mais le prophète, alayhi salam, a été épargné et préservé par Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, il a donné l'ordre de rassembler les juifs devant lui. Amara an tujma' al-yahoud inda. Alayhi salatu wassalam. Chose qui a été faite. Les juifs se sont présentés au prophète alayhi salatu wassalam. Il leur a dit, Inni sa'ilukum an shay, fahal antum sadiqiyya fi. Je vais vous interroger sur une chose. Allez-vous être véridique dans la réponse sur cette chose? قالوا نعم يا أبا القاسم. Ils ont dit oui au Abu al-Qasim. La kunya, le surnom du prophète alayhi salatu wa salam. Alors il leur a dit man abukum? قالوا أبونا فلان. Qui est votre père? Et eux de répondre notre père c'est un tel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit kadabtum. Abukum fulan. Vous mentez, vous avez menti votre père c'est un tel. قالوا صدقت وبررت. Et eux de répondre de dire tu as dit vrai, tu as été honnête dans ce que tu as dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit ensuite inni sa'ilukum an shay fa hal antum sadiqiy fi. Je vais vous interroger sur une chose, allez-vous être véridique dans votre réponse sur celle-ci? Qalu na'am ya Abul Qasim. Ils ont dit oui au Abul Qasim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit man ahlun nar? Qui sont les gens de l'enfer? Les juifs ont dit nabqa fiha muddatan yasira thumma takhlufunana. Les juifs ont dit au prophète alayhi wa sallam on y restera un court temps déterminé puis ensuite vous allez nous remplacer dans le feu de l'enfer. Le prophète leur a dit qui seront les habitants de l'enfer? Et eux ont dit nous allons y rester un court temps. Nous allons y rester un court temps. Comme ils ont dit dans le Allah nous dit dans le Coran wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'duda. Et ils ont dit le feu ne nous touchera que pendant des jours déterminés, que un peu, et après Allah nous sortira de l'enfer pour nous faire entrer au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit afwan, avant de leur poser cette deuxième question, quand il leur a dit est-ce que vous allez être véridique dans la réponse, ils ont dit na'am ya Abul Qasim, oui ya Abul Qasim, wa in kadhibna عرفت كذبنا كما عرفت كذبنا الأول. Et si nous mentons, tu le sauras comme tu as pu savoir qu'on a menti la première fois. Alors il leur a dit qui seront les habitants de l'enfer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit pardon, et les juifs ont répondu nous y resterons un court temps puis vous allez nous remplacer, vous allez occuper l'enfer et nous on en sortira pour habiter le paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit irsa'u fiha, soyez-y refoulés, fa wallahi lan nakhlifakum fiha, car par Allah on ne vous remplacera pas dans le feu, on ne viendra pas habiter le feu comme vous. Puis il leur a dit inni sa'ilukum an shay, je vais vous interroger sur une chose, allez-vous être véridique? Fa hal antum sadiqiy fi? Qalu na'am ya Abul Qasim. Ils ont dit oui Abul Qasim. Il leur a dit هل وضعتم سما في هذا الطعام؟ Avez-vous mis du poison dans cette viande, dans cette nourriture? Et là ils ont dit vrai. قالوا نعم يا رسول الله. Oui au Abu al-Qasim. Alors il a dit من وضعه, qui est la personne qui a posé ce poison dans cette viande? Et c'est là qu'on a amené cette femme qui est Zainab bint al-Haritha. Et il a demandé pourquoi avez-vous empoisonné cette viande. Et Zainab a dit aradtu qatlak, j'ai voulu te tuer. Wa in kunta nabiyan asamak Allah, et si tu es vraiment un prophète alors Allah t'épargnera, Allah azza wa jal te protégera. Wa la yadurruk as-sum, et le poison ne te sera en aucun cas nuisible. Wa illa istarahna mink, et si tu n'es pas un prophète alors on se débarrassera de toi. Et c'est là aussi la parole qui a été dite par les juifs. Certains parmi les compagnons ont divergé quant à l'avenir de cette femme, car pendant ce moment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu d'un des compagnons la proposition de se venger en tuant cette femme, et le prophète a dit non. Mais ensuite, elle s'est convertie à l'islam, et on a divergé, les compagnons ont divergé, est-ce que cette femme a été tuée ou non, en deux avis. Certains ont dit qu'on a tué cette femme, et d'autres ont dit qu'elle n'a pas été tuée, et cela a été, le détail a été cité par l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullahu ta'ala. Le hadith suivant, عن عن أبي عبيد وهو مولى للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال طبخت للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا وقد كان يعجبه الذراع فناولته الذراع ثم قال ناولني الذراع فناولته ثم قال ناولني الذراع فقلت يا رسول الله كم للشاة من ذراع يعني قال له ناولني خذ وأعطني هذا الذراع لآكله فأخذه وأعطاه وفعله مرة ثانية وطلب منه ثالثة فقال يا رسول الله وكم للشاة من ذراع لا يمكن الشاة لها ذراعان قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو سكت لناولتني ذراع ما دعوت الله أكبر عن Abu Ubaid nous dit « J'ai cuit une viande pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une marmite. » Il a fait à manger pour le prophète alayhi salatu wa sallam. « وَقَدْ كَانَ يُعْجِبُهُ الذِّرَاعِ » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam appréciait l'épaule. « فَنَاوَلْتُهُ الذِّرَاعِ » Je lui tendais alors l'épaule. Donc il a cuit une viande de laquelle il a enlevé l'épaule pour la donner au prophète alayhi salatu wassalam, car le prophète aimait cette partie particulièrement de la viande. Le prophète a pris cette partie et l'a mangée sallallahu alayhi wasallam. Puis il a dit nawilni dhira', c'est-à-dire tends-moi l'épaule, donne-moi l'épaule encore. Alors le compagnon a pris la deuxième épaule et lui a donné. Le prophète sallallahu alayhi wasallam lui a pris l'épaule et l'a mangé. Et il a dit une deuxième fois, ناولني الذراع, donne-moi l'épaule. Combien d'épaules a mangé jusqu'ici le prophète alayhi salatu wasallam? Deux. Combien d'épaules a un animal? Deux. Le compagnon a dit, ya Rasulallah, messager d'Allah, mais combien d'épaules a le mouton? Mais combien d'épaules l'agneau a? Et vous savez tous qu'il en a deux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a été interrogé par ce compagnon, le compagnon a voulu lui dire, tu as mangé les deux épaules, il n'y en a plus. Pourquoi me demandes-tu encore une épaule alors que toi-même tu sais qu'il n'y en a que deux et tu les as mangées? C'est là une chose étonnante. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, par celui qui détient mon âme en sa main, si tu n'avais pas parlé, tu n'aurais cessé de me remettre une épaule aussi longtemps que je t'en aurais demandé. C'est-à-dire que si tu n'avais pas posé cette question-là, Allah tabaraka wa ta'ala aurait mis une bénédiction dans cette marmite de sorte que à chaque fois que je te demande une épaule, tu ouvriras la marmite et y trouveras une épaule. Et ça, c'est une chose qui nous montre la prophétie du prophète alayhi salatu wassalam et la baraka qu'Allah lui donnait sallallahu alayhi wa sallam. Et on retrouve cela dans plusieurs passages de sa vie, notamment pendant la bataille de Uhud, bataille dans laquelle les compagnons et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont été éprouvés par la faim, par le besoin, le manque, à un point où l'un d'entre eux serrait une grosse pierre sur son ventre pour appuyer le vide qui se trouvait dans l'estomac afin que diminue la douleur de l'estomac à cause du manque de nourriture. Et pendant cette bataille, un des compagnons a eu sa femme qui est venue lui dire d'aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam discrètement et de lui dire de venir car il y a assez à manger pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et seulement quelques-uns des compagnons. On ne pouvait donc le dire à personne car il n'y en avait pas assez. Alors le compagnon est allé voir le prophète alayhi salatu wassalam pour lui dire ma femme t'invite à un plat et nous t'informe qu'il n'y en a pas assez, alors tu ne peux venir que toi et un ou deux ou trois quelques-uns de tes compagnons. Qu'est-ce qu'a fait le prophète alayhi salatu wassalam? Il a élevé sa voix en disant vous êtes tous invités à manger chez cet homme. Et les compagnons qui étaient affamés se sont dirigés vers la maison de cet homme. Quand il est arrivé chez lui, sa femme lui a dit malheur à toi. Elle lui dit malheur à toi, je n'ai pas assez de nourriture pour tout le monde. Est-ce que c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui t'a demandé de le faire et lui de répondre oui? Elle dit alors, si c'est lui qui t'a demandé de le faire, alors, dans le sens de sa parole, il n'y a aucun souci à avoir. Le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, rentre chez toi et dis à ta femme de ne pas toucher à la marmite et de ne pas l'ouvrir tant que j'arrive. Puis le prophète est arrivé, a ouvert la marmite et a laissé sortir de sa salive pour qu'elle tombe dans cette marmite et la referme. Et a invoqué Allah Azza wa Jal pour qu'il y mette une bénédiction. Et il a appelé les compagnons un par un pour venir chercher une part de nourriture. Et les compagnons sont venus un par un. Il ouvrait la marmite et il prenait un morceau pour le donner à un compagnon. Jusqu'à ce que tous les compagnons ont mangé à leur faim et il restait de la nourriture dans cette marmite. Et ces choses-là font partie des signes et des miracles de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous allons nous arrêter ici, inshallah ta'ala. Et le prochain cours sera demain, car la semaine prochaine, on sera absent, donc il n'y aura pas cours. Donc, inshallah ta'ala, demain après l'asr. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.